découverte de l'émission Autour de vous avec Laura sur Radio Gamezo. Bonjour tout le monde, c'est Laura, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Soyez les bienvenus pour une toute nouvelle émission d'Autour de vous. Je suis actuellement au téléphone avec Geneviève. Geneviève, bonjour, comment allez-vous ? Très bien, oui, bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots à nos auditeurs ? Je m'appelle Geneviève Janis, je suis présidente de l'association Bouchon Handicap 88 depuis sa création en fin 2011. Pourquoi ce nom justement, Bouchon Handicap 88 ? Ben, tout simplement, quand on s'est réunis pour la première fois en situation de création, Bouchon, c'était nous du Bouchon. On aide les personnes en situation de handicap, on a pris handicap. Et pourquoi 88 ? Ben, parce que nous travaillons que sur les Vosges et nous aidons que les enfants des Vosges. Donc, Bouchon, handicap 88. Quel est votre rôle au sein de l'association ? Je suis la présidente de l'association depuis son début. Est-ce que vous travaillez seul ou en équipe ? Alors, nous avons un conseil d'administration, nous travaillons en équipe, chacun a des responsabilités bien définies dans cette conseil d'administration. Quelles sont les différentes tâches qui vous sont attribuées ? Les différentes tâches d'une présidente, c'est d'être partout à la fois. D'accord. Voilà, hein, c'est comme je dis toujours, dans une association, on est une pyramide, on a tous besoin l'un de l'autre pour vivre, mais il faut toujours quelqu'un au-dessus pour gérer l'ensemble des personnes. Et votre association s'appelle Bouchon Handicap 88, est-ce que vous récupérez tout type de bouchons, comme les bouchons de bouteilles en verre, de jus de fruits par exemple ? Alors nous récoltons tous les bouchons en plastique, ça veut dire tout ce qui ferme, du tout petit au plus gros, à 17 cm de diamètre, toute couleur, toute grosseur. Nous récupérons tous les bouchons de liège et de faux liège, donc les lièges de synthèse, voilà. Nous avions un peu arrêté au niveau des bouchons genre couvercle. Bon, les couvercles, ça peut encore aller parce que... Mais les petits les petites capsules de bière, bien souvent... Ben, on n'apprécie pas trop parce qu'elles rentrent dans les bouchons et on a du mal de les enlever au tri. Donc, quand les personnes ont la gentillesse de les mettre dans des petits sacs et puis bien les fermer et puis qu'ils ne se mélangent pas, bon, ben, c'est bon. Ou nous les amène au siège, il n'y a pas de souci. Où est-ce qu'on peut déposer les bouchons, justement, que l'on garde chez soi ? Eh ben, alors, dans toutes les déchetteries des Vosges, quelles qu'elles soient, dans... certaines écoles, certains lycées qui nous acceptent, aussi dans les mairies, chez les pompiers, gendarmerie, dans les points de zone de récupération. Hein. Donc, quand vous voyez un tonneau bleu ou une container marqué bouchon handicap 88 sur un fond bleu, c'est pour nous. Est-ce qu'il est vrai qu'il est possible de faire un fauteuil roulant avec des bouchons ? Non, parce que nous, notre demande n'est pas comme celle qui était avant. Nous aidons toutes les personnes en situation de handicap selon le dossier. Donc, ça peut être n'importe quoi, quelle que soit la demande, on l'étudie. Et après, ben, on dit oui ou on dit non. Voilà. La seule différence, c'est que nous, on ne donne pas d'argent. On va payer directement le fournisseur. Ça veut dire qu'on peut acheter... Là, dernièrement, on a aidé pour une passerelle, on va aider pour l'aménagement d'une salle de bain, on va aider pour refaire une voiture, on va aider... Voilà, on ne s'arrête pas à un fauteuil roulant comme si c'était avant. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des bouchons ? Alors, notre recycleur actuel nous demande de trier les bouchons par catégorie de couleur. Donc, la première catégorie, ben, c'est le rouge, le rose, orange, marron et rose. Je n'ai peut-être pas oublié. La deuxième catégorie, c'est bleu, bleu clair, bleu et transparent. Et la troisième catégorie qui s'appelle vrac, c'est noir, violet, violine, or et compagnie. Notre recycleur va prendre directement nos containers de bouchons qui sont bien triés par Big Bag. Il va les mettre directement dans sa machine et à la sortie, ben, il va sortir des caisses, il va sortir des poubelles, il va sortir plein de choses à recycler. À quoi ça correspond les différentes couleurs des bouchons ? Tout simplement que si on nous demande de faire des catégories de couleurs, c'est tout simplement pour que notre recycleur puisse travailler plus facilement. Donc nous sommes obligés de travailler, de trier toutes les couleurs. Est-ce que vous faites des campagnes de sensibilisation auprès du jeune public, par exemple, pour le tri des bouchons ? Bien sûr, nous allons dans les écoles, nous organisons des expositions sur des vides-greniers quand on nous demande, ou tout simplement des écoles. Dernièrement, on a été sur Contrexéville au lycée Mendès France. Avant le Covid, on en faisait plus. En ce moment, c'est un petit peu plus restreint, mais ça va revenir gentiment. Quel message vous voulez leur faire passer ? Tout simplement, comme il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si vous avez remarqué, nous soutenons notre planète. Mmh. Les enfants de la maternelle de Chavlot ont fait un commentaire sur je vis pour ma planète. Mmh. Donc c'est ça aussi. Ramasser un bouchon, ne pas le laisser, c'est le trier, c'est aider une personne en situation de handicap. Mais aussi, ça permet de ne pas laisser tout traîner par terre. Si tout le monde ramassait un petit peu ses déchets, on serait quitte d'avoir des gens qui sont obligés de se mettre de prendre le relais et de ramasser. C'est pas compliqué de mettre ça dans un petit sac ou dans sa poche. Quand on se promène, nous, on ramasse tout, mais c'est pas normal que ce soit les écoles qui ramassent, que ce soit les enfants qui ramassent. Bien sûr, c'est bien de leur indiquer une chose, mais ce serait pas normal. Il faudrait que chacun prenne conscience que si on va laisser notre planète sale, c'est pas une solution. Mais je suis d'accord avec vous, parce que quand je sors de la gare, il y a une poubelle qui est quoi, même pas à 2 mètres, et les gens mettent leurs masques par terre, les canettes qui débordent, ils les mettent par terre, dans l'herbe. Et puis respectons un petit peu aussi, respectons nos containers. Vous savez, dans notre container, nous, avant de les vider, on ramasse tout. On a ramassé des masques, on ramasse des poubelles, on a même ramassé des crottes de chien. Mmh. On ramasse de tout. Et moi, je pense que c'est un manque de respect. Et ça, c'est une chose qu'il ne faut pas faire. C'est respectons le bénévole qui va mettre les mains dedans, comme on peut dire, qui va trier les bouchons. Avant de les trier, il faut déjà enlever les mouchoirs, tout ce qui traîne dedans, du verre, de tout, on trouve de tout. D'accord. Alors, ce n'est pas des poubelles, c'est tout simplement des containers auxquels les bénévoles vont pouvoir les ramasser et les trier, voilà. Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations, Geneviève ? Bien sûr, nous travaillons déjà sur toutes les Vosges, donc sur toutes les Vosges pour pouvoir sillonner tout ce grand secteur. Nous avons mis en place 5 antennes, des antennes qui sont prises en charge soit par des communes, soit par des particuliers. Donc eux, ils travaillent, ils ramassent sur leur secteur, ils trient et on va les chercher. Mmh. En plus de ça, nous travaillons avec des personnes en établissement en situation de handicap qui leur apportent des ateliers d'insertion, comme la Chapelle sur Moselle, Saint-Sauveur, les Aubépines. On en avait un peu plus avant, mais c'est un petit peu plus compliqué maintenant. Mais c'est les 3 établissements qui ont mis des ateliers d'insertion. Pareil, ils viennent chercher des bouchons ou ils en récoltent autour d'eux, ils les trient et ils les ramènent chez nous. J'ai vu aussi sur votre page Facebook que vous avez travaillé avec l'association Mathilde et ses amis Autisme et Compagnie. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, on travaille avec Madame Corinne Mougel, qui est donc la présidente. Elle aussi, elle ramasse les bouchons. Elle les trie avec ses personnes et c'est moi qui passe à Armirement les chercher. Voilà. Et puis on est toujours à côté d'elle puisqu'on lui a mis à sa disposition un super beau fauteuil de massage pour les enfants ils viennent dans leurs ateliers. On salue Corinne, je l'ai reçue il y a quelques semaines pour parler de son association et d'un événement qui était organisé à Armirement. Oui, auquel j'étais présente. Donc si elle nous écoute, on passe un petit coucou à Corinne. Ah oui, un grand plaisir. Corinne est une grande amie et je suis toujours à ses côtés quand elle a besoin d'un soutien quelconque. Comme nous sommes tous bouchons handicap, il ne faut pas avoir peur de nous appeler, pas avoir peur de prendre conscience qu'on est là. Mais la seule chose, comme je dis toujours, nous on ne donne pas d'argent. On va payer selon les devis directement aux fournisseurs. Voilà. Il ne faut pas compter sur nous en disant un chèque de temps, on ne vous le donnera pas. Mais vous pouvez venir chez nous, il n'y a aucun souci. Tout le monde est la bienvenue pour visiter. On fait autre chose en plus, puisque nous sommes solidaires et caritatifs. Nous acceptons les fauteuils quand ils ne sont plus en bonne qualité ou qu'ils peuvent encore fonctionner. S'ils peuvent fonctionner, on va les mettre de côté. On va les remettre gracieusement à des personnes qui en ont besoin. Parce que bien souvent, les familles qui sortent une personne âgée d'une maison de retraite pour le week-end, ben, elles ne veulent pas acheter un fauteuil roulant, donc on leur prête le fauteuil. Quand elles en ont plus besoin, nous le ramènent. On a des cannes, on a des déambulateurs. Quand tout ça, ce n'est pas en bon état, pas de problème. On travaille avec Harmonie, à Envie Harmonie de Toul. Tous les ans, on a la moitié d'une grosse camionnette, on leur redonne tout ça, et eux, c'est une insertion, et ils vont travailler. La deuxième chose qu'on fait, on fait les livres. On récolte les livres, tout ce qui est papier, tout ce qui peut être papier. Les livres, on va en mettre en bibliothèque solidaire. Une partie des livres, il y en a qui viennent nous les chercher pour les mettre dans les boîtes à livres, c'est gratuit. Les livres vraiment très usagés partent au papier, mais les autres en bibliothèque solidaire. Vous voyez, on ne s'arrête pas qu'au bouchon. On va faire le carton, le papier, mais on ne va pas le chercher. On n'a pas de point. Donc les entreprises peuvent nous les amener, il n'y a pas de souci. Hein. Elles ont un papier d'attestation à la fin de l'année. Voilà tout ce qu'on peut faire. On est vraiment à l'écoute de tout le monde et il ne faut pas hésiter de venir nous trouver ou de m'appeler. Il y a mon email et mon téléphone. Sans bouchon handicap 88. Donc on passe un message aux auditeurs, c'est pas parce que ça s'appelle bouchon handicap 88 qu'on peut ne récupérer que des bouchons. Voilà. Alors... C'était un nom. Combien de bouchons récoltez-vous par an en moyenne? Eh bien l'année-ci, alors on a fait 6 camions, donc 36 tonnes. La seule différence, c'est que l'année dernière, on avait 5 camions et on avait 36 tonnes. La différence, c'est que le plastique a beaucoup bougé et il a une densité beaucoup moindre, qui fait que pour la même quantité de camions, disons pour un camion complet, au lieu de 7 tonnes, 7 tonnes 5, il ne fait plus que 6 tonnes. Mais c'est le même camion, 24 big bags, voilà. On travaille aussi avec les hôpitaux, puisque maintenant on a tous les hôpitaux de Nancy, et on récupère tous les biberons néonatales qui sont transférés de Nancy à Chavlot. Chavlot, on a une antenne qui les trie et qui repart en recyclage. Ah, c'est super ça, c'est dingue. Tous les biberons, tous les embouts de biberons, pas la totos, hein, parce que ça c'est du caoutchouc. Voilà. Ouais, on travaille avec toutes les bords de seringues des infirmières aussi, mais pas que des bouchons. Tout ce qui est plastique, quel qu'il soit, du tout petit jusqu'au 17 cm de diamètre. Et vous faites quoi avec les bouts de seringues des infirmières? Ben, elles partent en bouchon, mais il ne faut surtout pas qu'il y ait d'aiguilles dedans. Il faut qu'elles soient correctes. Hein. Vous récupérez tout ce qui est plastique, en fait? Tout ce qui est plastique. Plastique dur, hein, ce qu'on appelle... Il y a une certaine matière qu'on ne peut pas. Hein. Nous, on les connaît. Et si la personne nous demande, eh ben, on fait des tests, on regarde, on lui dit, bah, c'est OK, c'est bon. Autrement, on va lui dire, non, on ne peut pas. Donc, en relation avec la personne, bien sûr. Nous sommes actuellement à la Semaine européenne des handicapés au travail, je crois. Ça se dit comme ça, il me semble. Est-ce que vous avez besoin de personnel? Est-ce qu'il y a des salariés dans votre association? On n'a pas de salariés puisqu'on travaille que 2 jours par semaine. Le seul salarié qui n'est pas salarié, c'est les ateliers d'insertion, comme je vous disais tout à l'heure, qui sont dans des établissements. Nous, on ne peut pas prendre de salariés, premièrement parce que notre chiffre d'affaires ne nous permet pas. Hein. Le deuxième chose, c'est qu'on est là que 2 jours par semaine. Et pour avoir un salarié, il faudrait presque 25 heures par semaine, ce qui n'est pas le cas puisqu'on travaille que 2 après-midi. Et pour avoir du personnel, il faut toujours du monde derrière. Et moi, je fais déjà mes 35 heures dans l'ensemble de mes activités, donc je ne pourrais pas les encadrer. Est-ce que vous avez quand même besoin de bénévoles? Oh, bien sûr, on a toujours besoin de bénévoles. De bénévoles pour trier, pour venir sur les points de tri. Hein, sans précisément d'ocel, hein, ils peuvent aller aussi dans les points de tri des antennes. Hein. Et besoin de bénévoles aussi sur les secteurs auxquels ils peuvent aussi reprendre le relais. Parce que je vois sur la Bresse, ben, on a une personne qui a 85 ans. Jour que cette personne qui est bien dévouée s'en ira, on a retrouvé une jeune dame, mais ça ne suffira pas. Et je pense que sur certains secteurs, on aurait besoin justement de personnes comme ça. Il n'y a pas besoin de faire des kilomètres, hein, ils font déjà leur secteur de domicile. Hein. Ils trient et puis renvoient sur une déchetterie, par exemple. Vous voyez, Puisque toutes les déchetteries sont de notre côté. Il suffit, par exemple, de dire, bon, j'habite, allez, j'habite Charme, je vais mettre à la déchetterie de Charme tout ce qui est sur Charme, par exemple, ou ailleurs, hein, sur la Bresse, sur Cornimont, ou par exemple, sur le côté d'Aumartin-Vecoux, on n'a personne. Mm-hmm. Et c'est dommage, parce que c'est pas loin, mais vous voyez, c'est tout près, et on n'a pas de container. Ah, c'est dommage. Oui, oui, c'est dommage, mais il me faudrait une personne. Une personne qui dit, bah d'accord, je m'occupe du côté Nervecourt. Quand il est plein, eh ben, je mets dans un sac poubelle et puis je le dépose à Cora, par exemple. À Cora, il y a un conteneur. Donc, la personne, elle va faire ses courses. Je dis à Cora, en espérant qu'elle va à Cora, mais je veux dire, elle peut être déposée là. À Remiremont, il y a plein de dépôts. Hein. Il y a déjà la déchetterie, c'est sûr. Vous avez la Vie Claire auquel il peut déposer, s'il va faire ses courses tout près. S'il va faire ses courses à Cora, pas de problème, il dépose le sac. Mais vous voyez, il suffit de faire la boucle de neige pour que chacun mette un petit peu sa patte. Voilà. Hein. Il prend un conteneur près de chez lui, mais pas chez lui ou tout près, hein, à Vecoux, dans Martin, il n'y a rien là. Saint-Amé, on a abandonné parce que ça devenait des poubelles, donc on a retiré. On n'a plus que le tremplin, hein, le foyer tremplin à Saint-Amé. Saint-Étienne, on n'a que les baraques, mm-hmm. hein, on n'a rien d'autre ailleurs. Vous voyez, il y a quand même à faire sur certains secteurs où il faudrait qu'on trouve une personne qui a envie de donner un peu de son temps pour dire ben, je pose un conteneur près de chez moi ou à quelque part dans mon village et puis je vais m'en occuper. Voilà, c'est le plus important pour nous. Mmh. Ben, l'appel voilà. est lancé, j'espère que certains auditeurs oseront franchir le pas. Oui, mais qui n'hésite pas, je suis toujours présente au téléphone, pas à minuit quand même, au moins jusqu'à 9h. Et je vais lever de bonne heure. Non, mais je veux dire que. Et puis. On peut visiter chez nous. Hein. Mmh. Le mardi, jeudi après-midi, on peut visiter. Et puis, si on ne peut pas les jours-là, ben, on peut demander un rendez-vous. Et puis, on peut faire visiter pour voir ce qu'on fait, pour se rendre compte. Parce que je pense que beaucoup de monde ne se rend compte pas de ce que nous faisons et du travail qui est fait par nos bénévoles. Et il y a une très, très bonne ambiance chez nous. Hein. On travaille l'après-midi, mais c'est pas aux pièces. Mmh. À 4 heures, tout le monde prend son petit café ou son thé. Si on a envie de boire un verre d'eau, il y a de l'eau. Vous voyez, on est très social et solidaire. Et nous sommes tous unis pour le bien des enfants. Pour ce type d'activité dans une association, je pense que c'est les qualités qu'il faut, en fait. Voilà. Moi, je dis que chacun est à sa place. Tous les membres du CA ont une fonction, quelle qu'il soit, et ils se mettent. Ils rentrent bien leurs tâches, ils respectent bien leurs tâches. Et tout le monde autour travaille dans la bonne ambiance. Ah, c'est voilà. Super ça. Alors je les invite à venir nous voir, invite mm-hmm. de passer une après-midi pour trier. Puis si ça leur plaît, ben, ils reviennent. Si ça ne leur plaît pas, ben, tant pis. Mais mm-hmm. bon, je veux dire, c'est comme ça. Il faut venir voir avant de dire. Oui, effectivement. Moi je les invite, hein. Ils seront les bienvenus, il n'y a aucun problème. Justement, comment ça se passe une visite si jamais on veut venir vous voir? Eh bien, si on a envie de venir me voir, un petit appel téléphonique ou un petit message hein, sur mon numéro de téléphone mm-hmm. pour que je sache. Et puis la personne, elle vient. Si elle vient, c'est de 14h à 17h30, 18h. Si vraiment elle ne peut pas sortir plus tôt, elle prend rendez-vous, on l'attend. Hein, mm-hmm. Parce que nous, on ne va pas rester toute la nuit. Si vraiment elle ne peut pas venir les mardis après-midi ou les jeudis après-midi, eh ben, elle prend un rendez-vous et puis on peut lui ouvrir la porte un samedi matin. Bon, là, elle ne verra pas le tri, elle verra que le travail. Mais on peut quand même lui expliquer. Combien voilà. de bénévoles compte l'association actuellement, Geneviève? 70. D'accord. Plus les établissements où ils travaillent, je dirais, une centaine de personnes avec l'établissement. Et vous comptez combien de personnes dans votre association qui ont n'importe quelle tâche, le CA? Ah ben, le CA, on est 12. Et chacun une tâche bien précise. Comme dans toute association. Je sais pas. Je ne sais pas si toutes les associations, nous, on est, le CA n'est pas une potiche. Hein. Chacun a le droit de dire ce qu'il a envie de dire. On se réunit régulièrement, mais et puis nous, j'organise une petite gazette qui, tous les mois ou tous les deux mois, selon l'importance de la gazette, que j'envoie à tous les membres adhérents et partenaires. On peut devenir partenaire chez nous, nous aider, nous soutenir. Comment voilà. justement ? Oh ben, tout simplement par un don, hein, à l'année. Bon, les dons peuvent être petits, peuvent être gros. On a le droit, on a l'autorisation de rescrit, donc on a le droit de faire des CERFA. On a des partenaires à dons, par exemple, pour nos camions, qui sont gratuits, mais c'est des dons aussi, hein, c'est des dons manuels, ça peut être des dons d'argent, ça peut être des dons, n'importe quel don est pris en charge, et puis à la fin de l'année, la personne reçoit un CERFA qui peut être déduit de ses impôts, puisque nous sommes reconnus avec le rescrit, comme intérêt général. Bientôt, il y a Noël qui va arriver. Ça passe extrêmement vite. Est-ce que vous avez des événements prévus prochainement, que ce soit la Saint-Nicolas, Noël, etc.? Nous, c'est pas tout à fait notre cas. Nous, on donne pour le Téléthon et on donne pour les pompiers. Notre ouverture de bourse de livres s'est passée toujours fin septembre. Noël, nous, c'est sûr qu'on va donner, on va donner quelque chose à nos adhérents, mais ça reste... intérieur. Autrement, tous les ans, on fait notre petit chèque pour Téléthon, puisqu'on ne peut pas grand-chose faire d'autre. Et puis pour les pompiers du secteur de Docelles, bien sûr. Est-ce qu'on peut vous retrouver sur Internet et les réseaux sociaux? Alors, sur Internet, y a notre site qui est très mis à jour par Martial, qui est un de nos adhérents, qui est très actif. Il est tout simple, c'est Bouchon avec un S tout attaché, bouchonhandicap88.fr. On clique et puis hop, on a tout ce qu'il faut, tous les renseignements. Martial met tout à jour. Voilà. Et puis sur Facebook, malheureusement, j'avais commencé à mettre une page sur Bouchon, mais c'est plus facile sur mon nom, alors je n'ai rien à cacher. C'est Geneviève Jani, voilà, sur Facebook. Voilà. Auquel je mets les informations de tout ce qui se passe. Voilà. Et la gazette n'est envoyée qu'aux adhérents et aux partenaires. Vous disiez qu'on peut vous contacter par mail et téléphone. Est-ce que vous pouvez nous les donner? Bien sûr. Alors, mon téléphone, qui n'est pas le mien, mais qui est le téléphone de Bouchon Handicap 88, 06 41 77 03 37. Le mail, alors c'est Jani, J-E-A-N-N-Y, point Geneviève, G-E-N-E-V-I. eve@gmail.com. Super. Est-ce que vous auriez un appel à lancer à nos auditeurs qui souhaiteraient vous rejoindre? Tout simplement, qu'ils soient les bienvenus, qu'ils soient au tri, qu'ils soient sur le secteur, qu'ils viennent nous rendre visite, qu'ils voient ce qu'on fait. Et puis on en discutera ensemble. Est-ce que vous avez des futurs projets avec l'association, Geneviève? Des futurs projets? Là, on a pas mal de projets à donner pour l'année-ci, puisque l'année-ci, on sera à plus de 6 000 euros donnés. Comme j'étais en train de calculer, on a aidé 74 enfants dans les 10 ans, 36 000 euros. Voilà. Et que les gens n'hésitent pas à venir nous voir ou nous envoyer des dossiers, parce que je pense que les gens ne nous connaissent peut-être pas assez. Bien souvent, c'est moi qui vois sur Internet et puis qui va, ou sur les journaux, ou en vous écoutant. Et puis, en définitive, c'est moi qui les appelle parce qu'ils ne viennent pas vers nous. Alors, qu'ils n'hésitent pas de venir vers nous, on ne mange personne. On est là pour les écouter, comme je vous dis, aussi bien pour le prêt de matériel ou aussi bien pour voir un dossier et puis discuter avec la personne. Il ne faut pas hésiter. Je suis ravie que vous ayez accepté notre invitation parce que ça donnera plus de visibilité à votre association. Mais bien sûr, c'est gentil de nous avoir invités d'ailleurs. Très gentil de votre part et je vous en remercie. Je vous remercie pour nous, pour tous, pour tous nos bénévoles qui travaillent sur Bouchon Handicap. Comme je le dis toujours, on n'est pas je, on est nous et on est tous ensemble pour le bien des enfants. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite à vous et à l'association? De continuer dans notre bon sens. Qu'on trouve des personnes qui viennent nous soutenir. Et puis, pourquoi pas, peut-être plus. Plus quoi, j'en sais rien. On est très bien, on avance tout doucement. En 10 ans, on a beaucoup évolué. J'espère qu'on évoluera encore et qu'on trouvera des personnes pour nous soutenir. Moi, j'ai dit toujours, vous n'êtes pas obligé de venir tous les mardis, vous n'êtes pas obligé de venir tous les jeudis. Suffit. Moi, j'ai des personnes qui viennent quand ils sont en vacances. Parce qu'ils ont envie de nous donner un petit coup de main pendant leurs vacances. J'ai besoin d'hommes, surtout pour les chariots élévateurs, parce que c'est pareil, quand il y a des camions à charger, on n'est pas beaucoup. J'en ai qu'une ou deux personnes. Alors, même si la personne travaille, hein, qu'elle est déjà dans l'industrie, bah pourquoi pas venir un après-midi quand on a besoin d'eux, dire tiens, bah, je suis là, je peux venir vous aider, même si c'est pas occasion, même si c'est occasionnel. Hein, on donne son adresse, son numéro de téléphone, on a même, allez, je le contacte, je lui dis, tiens, pof, le jour-là, j'ai besoin de toi, tu peux venir? Ah ben non, je peux pas. Bah, tant pis. Tu peux venir? Ben oui, eh ben, c'est bien. Voilà. C'est ce que je veux. Voilà. Hein, c'est qu'on soit main dans la main, même si c'est pas, ce n'est qu'exceptionnellement, mais il faut être là, présent, pour donner un petit coup de main de temps en temps. Et ça, on en a besoin. D'accord, bah le message est passé. J'espère que nos auditeurs vous contacteront, pourquoi pas? Eh ben oui, oui, oui, ben, je le souhaite. Je le souhaite. Qui n'ait pas peur, on est là pour le bien des enfants et mon numéro est toujours présent. Pas pour discuter pour des bêtises, hein, mais pour l'évaluer, faire quelque chose pour les enfants, voilà, et pour l'association. Merci beaucoup. Il est maintenant le temps de se quitter. Geneviève, merci d'avoir été avec nous. Eh ben, merci de m'avoir reçu. J'espère que tous vos auditeurs vont pouvoir prendre contact avec nous et puis qu'on va aller loin, encore plus loin. Oui, voilà. Toujours plus loin, toujours plus fort, comme on dit. Oui, oui. Pour, et puis pour la vie de notre planète. Voilà. Merci beaucoup. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie et que votre association pourra continuer ses actions multiples. Eh ben oui. Merci beaucoup. Et chers auditeurs, n'hésitez pas à venir vers nous. Auditrices aussi. Ah oui, c'est bien la parité. Hein, c'est important. Voilà. Alors, quant à nous, auditeurs et auditrices justement de RGM, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle d'Autour de vous. Je vous souhaite une excellente journée. C'était Laura. Bye tout le monde. Bonsoir.